Une communauté politique européenne, sorte de sas d'entrée, ou pas d'ailleurs, avant une intégration pleine et entière dans l'Union. Voilà ce que propose Emmanuel Macron à l'Ukraine, notamment. Jean Lebrun, vous revenez dans le vif de l'histoire sur ce que François Mitterrand avait déjà évoqué en 1989. Il parlait, lui, de Confédération européenne. Alors, coïncidence, à la haute époque Mitterrand, le second semestre 1989, la France présidait le Conseil européen et elle devait déjà affronter des événements formidables qui font peur au sens premier du mot. Pas le temps de tirer parti tranquillement des effets de la perestroïka de Gorbatchev. C'était l'automne des peuples. La réunification allemande avançait à grands pas. L'ancien dissident Václav Havel arrivait au pouvoir à Prague. Les Ceausescu tombaient bruyamment en Roumanie. L'opinion européenne redécouvrait soudain ses membres amputés. Les pays d'Europe centrale et orientale. Mais l'institution européenne, 12 membres à l'époque, disait « Il est trop tôt pour en retrouver l'usage de ses membres. La greffe va prendre du temps, il faudra des lustres pour la remise à niveau. » D'où l'idée, chez Mitterrand, d'un palier qu'il appelle, lui, « Confédération européenne ». Alors aujourd'hui, Macron tient le même langage à l'Ukraine, et secondairement à l'Albanie, à la Macédoine du Nord, à la Géorgie, etc. Passez donc par un sas, qu'il nomme lui « Communauté politique européenne », vous l'avez dit Bruno. Un rodage, un circuit d'essai, avant de prendre les virages difficiles. Et Zelensky, de suite, a réagi négativement à la proposition. Zelensky, il a déposé sa demande d'adhésion, il attend début juin l'avis de la Commission de Bruxelles et fin juin, sans doute, la réponse du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à l'issue de la présidence française. Un dessinateur de presse l'a représenté, poussé vers une salle d'attente. Alors il est en tenue kaki et il proteste « Mais je suis en guerre, moi !» Et pour vos idées. Parlant le 11 mai en visioconférence face aux étudiants de Sciences Po, Bruno, il a déclaré « Quand on vous offre de rejoindre une table, on vous propose au moins une chaise. » En 1990, quand Mitterrand essayait de convaincre de l'utilité de ce qu'il appelait lui la Confédération européenne, les réactions étaient comparables dans les pays d'Europe de l'Est et du Centre. On disait les pécos, c'était beau. Hein. Mitterrand, il avait élu comme interlocuteur privilégié Václav Havel. L'écrivain, président tchèque, exerçait un véritable magistère depuis Prague, que le président français considérait comme le centre affectif de l'Europe. Mais la visite préparatoire qu'il y avant les assises de la Confédération, dissipa ses espoirs. La France, comme aujourd'hui, c'est une permanence de notre diplomatie, raisonnait en termes de géographie. Pour elle, la Russie pouvait naturellement, de par sa position sur la carte, adhérer à la Confédération. Il faut dire qu'elle était alors dirigée par Gorbatchev, autrement disposé qu'aujourd'hui Poutine. Le locataire du Kremlin de 1990 parlait sans cesse de maison commune européenne. « Pas question !» répondait Havel, qui allait entraîner ses collègues. « Nous avons été occupés par Moscou, nous ferons dorénavant sans, voire contre Moscou. » Dans les pays d'Europe centrale et orientale, les PECOS, l'emportait la géopolitique au sens qu'il donnait davantage d'importance aux valeurs communes qu'aux frontières imposées. Et ces valeurs, il les trouvait souvent mieux incarnées par les États-Unis que par l'Europe occidentale. Washington n'a pas manqué de torpiller les efforts de Mitterrand. Et donc, les assises de la Confédération à Prague, en juin 91, tournèrent court. Václav Havel reçut les délégués avec tout l'esprit de facétie dont il était capable. Il fit semblant de croire qu'ils étaient des journalistes et des intellectuels venus échanger seulement des idées. Il répéta ses convictions intimes, davantage d'États-Unis, plus du tout de Russie. Et en conclusion, il estima que la Confédération présentait tout de même un aspect intéressant, sa dimension futurologique. Oui, mais il semble qu'Emmanuel Macron croit à cette dimension. Oui, mais il trouvera encore moins d'alliés dans les pays d'Europe centrale et orientale que Mitterrand. Il y a 30 ans, l'ironie du sort veut qu'à partir du 1er juillet, la présidence de l'Union échoue à la République tchèque qui a déployé comme programme un discours de Václav Havel, l'Europe un devoir. Ce devoir implique-t-il l'adhésion rapide de l'Ukraine, Havel disait avec ses amis ex-dissidents « Nous entraver le chemin, ce serait un crime contre l'esprit. » Jean Lebrun, le vif de l'histoire. France Inter.